Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ensemble pour réfléchir à l'histoire du Théâtre National. Cet échange s'inscrit dans un ensemble d'activités que nous organisons actuellement à propos de ce lieu unique. Aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à la revue. Nous allons nous pencher sur ce qu'est une revue et sur la spécificité des revues montréalaises. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Eve-Catherine Champoux, qui est la commissaire de l'exposition que nous organisons actuellement autour des 125 ans de la première saison du Théâtre National. Eve-Catherine travaille sur les rapports entre théâtre et muséologie. Elle est docteure de l'Université de Montréal. Bonjour Eve-Catherine. Bonjour. Nous accueillons aussi Charlie Fortin, qui est collaborateur de longue date de nos projets autour de l'histoire du théâtre québécois. Charlie est en voie de terminer un mémoire de maîtrise sur la revue d'actualité sous la direction de Jean-Marc Larue. Il enseigne maintenant au département de littérature du Cégep de Jonquière. Bonjour Charlie. Bonjour, merci de me recevoir. Alors je vais bientôt laisser la parole à Eve-Catherine qui va guider cette discussion. Mais avant cela Charlie, je me demandais simplement si tu accepterais de nous parler en quelques mots du sujet de ton mémoire. Oui, donc mon mémoire, en fait, je suis venu à travailler ce sujet assez niche qui est la revue d'actualité au Canada français parce que donc Yves Dumas et Jean-Marc Larue se sont retrouvés avec les archives, des archives qui n'avaient pas été travaillées, qui n'avaient pas été, dépouillées, donc du fondateur du Théâtre national, Julien Daou. Et dans ce fonds d'archives, à travers ces nombreux documents, on a trouvé plusieurs fois, plusieurs versions d'une même pièce, pas datée. Et donc, je me suis demandé comment ça se fait qu'on a plusieurs fois tant de versions d'une même pièce. Eh bien, il s'est avéré que c'était une revue d'actualité, donc La Belle Montréalaise et plusieurs variantes. Et c'est pour ça, donc c'est à partir de ces documents-là, en partie manuscrits, en partie dactylographiés, que je me suis intéressé au sujet et mon mémoire donc porte sur La Belle Montréalaise, c'est l'étude de cas, mais il y a aussi une longue partie donc, qui fait l'historiographie du genre de la revue en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, et le titre en ce moment, qui est toujours provisoire, mais ça s'en va pas mal vers ça, c'est La Revue canadienne-française entre deux pôles, le cas de La Belle Montréalaise de Julien Daou. Voilà. Donc, par ton travail, tu t'es intéressé à tout le genre spectaculaire qu'est la revue. Tu as dû retracer son historiographie. Où est-ce que tu situerais les origines de la revue, donc, comme on l'a connue ici au Québec? Donc, comme on l'a connue ici au Québec, l'origine, qu'on peut dire, donc l'émergence de ce genre spectaculaire-là aurait... On trouverait ça au 18e siècle français, donc dans l'Ancien Régime, plus spécifiquement dans les théâtres de foire. Donc, juste pour un peu de contexte, dans l'Ancien Régime français, on avait des théâtres officiels qui avaient le droit, certains avaient le droit de faire de l'opéra, d'autres du théâtre déclamé, d'autres de la comédie. Généralement, c'était bon. À grands traits, je résume. Donc, il n'y avait pas d'autres théâtres qui avaient le droit de faire du théâtre. Que ceux qui étaient financés par l'État. Mais on avait dans certains endroits qui étaient dans lesquels on a réussi à créer du théâtre, plusieurs formes de mise en scène. On a développé plusieurs formes extrêmement variées, très métissées, donc qui étaient très, très loin de la rigidité générique des théâtres officiels. Les théâtres de foire, donc c'est dans ces espaces-là que la revue se serait développée, du moins qu'on trouverait les premières pièces dans lequel on retrouve le mot « revue » dans le titre. Ces premières versions, ces premières occurrences, du moins, ce seraient surtout des parodies des grands succès théâtraux de la saison. Donc, on retrouve d'emblée, dès le 18e siècle, la dimension parodique qui va être très, très, très importante dans la revue qui va se développer tout au long du 19e siècle. Donc, dès la Révolution, donc dès qu'on quitte l'Ancien Régime, on met fin aux privilèges des théâtres officiels et il y a des théâtres qui peuvent s'ouvrir à peu près partout à Paris. Et donc, les boulevards se retrouvent avec énormément de salles de spectacle qui attirent beaucoup les bourgeois et des théâtres un peu plus, des théâtres, des publics un peu plus populaires. Donc, on retrouve aussi des nouvelles variantes de ce style qu'on appelait la revue. On continue à y faire des parodies des grands succès de la saison, mais on y ajoute donc des références à l'actualité politique de plus en plus. On peut trouver, par exemple, des références au vaccin de Jenkins ou autres éléments autour desquels on se posait des questions, donc des avancées technologiques et autres. C'est vraiment à partir donc, de 1830, autour de 1830, sous la Restauration, que le genre va vraiment se développer et devenir quelque chose de très, très important, du moins pour la culture de masse donc, qui se développe, le théâtre populaire. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on va se mettre, que les revuistes, donc les auteurs de revues, les metteurs en scène, pour employer un anachronisme, exploite de plus en plus la dimension spectaculaire, c'est-à-dire la scène, l'art de la mise en scène, les effets spéciaux. Ça devient des spectacles à très, très, très grand déploiement, notamment en raison de l'influence des spectacles du théâtre merveilleux, dans lesquels on voyait des contes, des histoires avec dont des dragons, des monstres, tout ça. Eh bien, la revue va s'inspirer beaucoup de ça, va s'inspirer beaucoup du comique de situation des vaudevilles aussi, qui sont très, très populaires, qui fait une espèce de genre spectaculaire au croisement d'à peu près toutes les formes de spectacle qui fonctionnent auprès du public. C'est un genre très, très, très, très, très malléable qui va s'adapter aux besoins des artistes qui y travaillent. Donc, je parlais du vaudeville. Bien, si le revuiste est habitué de faire des vaudevilles, ça risque de ressembler beaucoup plus à de la comédie de situation. Et si, à l'inverse, on est plus... on travaille avec des artistes qui ont l'habitude de travailler avec du théâtre merveilleux, mais là, on risque d'avoir plus de théâtre à machine, beaucoup plus d'effets spéciaux. Mais tout ça cohabite et tout ça participe donc à ce que j'appellerais l'essence du genre. Quoique, bon, l'essence, on peut revenir sur cette question, en tout cas. Mais donc, la multiplicité, la pluralité, la malléabilité, c'est vraiment ce qui fait la revue. Au Québec, donc, c'est une variante de tout ça qui va arriver. En particulier, c'est celle qui va se développer dans les salles de café-concert. Les café-concerts, c'est un style de salle, c'est un genre de salle très, très, très, très, très populaire. Je dis très, très, très parce que l'entrée était gratuite, et ce qui fait que les gens qui étaient un peu moins fortunés, on avait donc l'occasion d'aller dans les salles de spectacle, à condition qu'on y consomme de l'alcool, parce que c'est des salles dans lesquelles on boit. On peut fumer, on peut boire, c'est une raison pour rencontrer des amis, et en plus, on a un spectacle qui a lieu. Dans les cafés-concerts, au départ, c'est surtout des musiciens, des chanteurs qui viennent présenter des chansons qu'ils ou elles ont composées, et ils s'enchaînent un peu comme ça. Donc, trois chansons pour une personne, on change d'artiste, trois autres chansons. On se rapproche d'une forme qui est un peu plus de la variété. Mais donc, c'est sur ces salles-là que se développe la revue de café-concert, dans laquelle on continue à y ajouter l'aspect comique, l'aspect parodique, autant de l'actualité que de l'actualité culturelle, donc théâtrale. Mais on exacerbe le côté musical qui était déjà là, parce qu'on est dans une salle où on faisait de la chanson, donc les chansons deviennent de plus en plus importantes. Voilà, c'est... plus spécifiquement, cette variante-là qui va migrer à Montréal. En 1899, c'est un Français qui s'appelle Durantel qui fonde et qui ouvre un café-concert à Montréal, l'Eldorado de Montréal, en référence à un café-concert très populaire de Paris. Et c'est dans cette salle-là, dans à peu près le même contexte aussi de salle, que se reproduit la première revue, ou du moins celle qu'on nomme comme la première revue, si on se fie à plusieurs historiens. Là, on a parlé de la filiation parisienne du genre de la revue jusqu'au Québec. Pourtant, aux États-Unis, à Broadway surtout, on a aussi des spectacles qu'on nomme des reviews. Est-ce qu'il reste quelque chose de ce genre-là dans le format des revues d'actualité présentées au Québec? Ce qui est intéressant je trouve, du moins, c'est qu'on peut remarquer que quand on s'intéresse donc à l'histoire des reviews, donc, comme tu viens de les nommer, qui sont donc une version anglaise ou américaine des revues françaises, eh bien, on est capable de remonter la migration du format français jusqu'aux années 1860. Pourquoi est-ce que je suis capable de dire que c'est du format français? Eh bien, c'est parce que dès 1868, certaines personnes vont revendiquer le genre spectaculaire en parlant de spectacle de type de in the Parisian style, dans le style parisien ou à la française. Donc, on renvoie toujours à ce genre qui se développe, qui se développait puis qui était déjà bien développé à Paris particulièrement. Par contre, en 1860, le genre ne réussit pas à s'enraciner totalement. C'est vraiment à partir de 1890, 1896 pour être précis, qu'on trouve une première version d'une série de revues qui vont perdurer, ou du moins un format, une version de la revue française qui va vraiment réussir à s'enraciner à New York dans le contexte spectaculaire. Donc, je parlais à Montréal, c'est 1899 avec l'Eldorado de Montréal. Eh bien, à New York, c'est 1896. Ces deux hommes, pour faire changement, deux hommes, Mark Webber et Lou Fields, deux artistes très, très impliqués dans le théâtre de variété, qui vont produire un spectacle qui s'appelle The Passing Show. Donc, et eux, tout comme dans les années 1860, vont revendiquer la filiation française. Donc, 1896, 1899, l'enracinement du genre en Amérique du Nord se fait de façon à peu près simultanée, autant aux États-Unis qu'au Canada français, ce qui est d'ailleurs ce que je trouve assez intéressant. Le genre, par contre, va vraiment se développer différemment aux États-Unis, qui va vraiment devenir quelque chose de en soi. Ça devient un pôle avec la naissance de Broadway et les grands, grands, grands spectacles, très, très, très grand déploiement. La revue devient vraiment la vache à lait du Broadway naissant, notamment avec les très, très populaires Follies de Florence Ziegfeld, qui, lui, dès 1907, débute ses séries qui vont être annuelles. Les Ziegfeld's Follies vont continuer jusqu'à dans les années 20, même 30, je crois. Donc, ça devient, ça, c'est un staple, il faut en parler. Et les premières revues de Ziegfeld vont elles aussi revendiquer la filiation française. En fait, elles ont lieu sur le toit du théâtre de New York, du Grand Théâtre de New York, qu'on va rebaptiser les Jardins de Paris. Donc, d'emblée, on est tout à fait dans cette filiation-là. Et juste le nom Follies. L'origine, on n'est pas certain, mais certains historiens vont dire que c'est une référence directe aux Folies Bergère, le grand théâtre de Paris, et d'autres vont dire que non, mais bon, sur cette origine du nom, on n'est pas certain, mais certainement Jardin de Paris, on est 100% là-dedans. Difficile de ne pas y voir la filiation. Mais au Québec, pourtant, on spécifie au début du genre qu'il s'agit de revues d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on dit actualité à ce moment-là ici? Pourquoi est-ce qu'on parle de revue d'actualité? Eh bien, là, tu me dis, on spécifie, c'est vrai qu'on le spécifie, de la même façon qu'on l'a fait pendant longtemps, ben, du moins certaines formes de la revue vont spécifier revue d'actualité. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut dire par actualité? Eh bien, c'est un genre de. C'est des revues dans lesquelles on va beaucoup parler des événements politiques ou culturels importants. Donc, la forme de la revue étant ce qu'elle est, donc, comme elle a un fil narratif extrêmement faible et très, très, très malléable, j'en ai déjà parlé, eh bien, on est capable de faire à peu près des tableaux sur n'importe quoi, à condition que ça plaise au public, j'ai l'impression. Donc, on peut voir des personnages qui sont des parodies, des imitations des grands personnages politiques, comme Wilfrid Laurier apparaît très, très souvent, le maire de Québec. On voit Henri Bourassa même dans certaines versions. Donc, des personnalités politiques importantes de l'époque apparaissent dans les revues montréalaises francophones, premièrement, ou ça peut être des événements. Certaines revues de Julien Daou, une en particulier, représentent l'inauguration du pont de Québec, ou l'illumination de la terrasse Dufresne à Québec, encore une fois. Donc, des événements qui vont avoir marqué, d'une certaine façon, la population. Donc, ça peut être des événements comme ça, ou des faits divers, comme ceux-là, mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu plus large aussi dans une question de l'ère du temps. Je veux quand même mentionner, par exemple, le cas d'Aurore Gagnon, quel genre de sujet qui pourrait être, auquel on pourrait faire référence dans des revues, parce que dans les années 20, il y a eu plusieurs pièces autour de cette question-là. Eh bien, les revues n'ont pas fait autrement que d'au moins d'en faire une référence, quelque part. Julien Daou a d'ailleurs une version, lui-même revuiste, il fait sa version d'Aurore Gagnon, bref, tout un entremêlement de sujets, mais qui vont ensemble, j'ai l'impression. Donc, actualité locale, à un point que la revue devient tellement près de l'actualité dans certains cas qu'on a des événements assez uniques, comme lors des élections municipales de 1909, ou, 1909, oui, ou 10, 1909 ou 10, donc la presse contacte le Théâtre national qui donnait en même temps que les élections municipales la revue AOU1, donc qui est AOU1 qui se prononce A, qui s'écrit A-E ou U, bref, toutes les voyelles. AOU1, d'Ernest Tremblay. Donc, le journal La Presse contacte le Théâtre national pour que les artistes, en même temps de donner la représentation de leur revue, puissent donner les résultats de l'élection municipale en même temps. Donc, on a le Ernest, pas Ernest Tremblay, on a Elzéar Amel, donc, qui est l'acteur principal, la vedette du spectacle, qui reçoit les résultats des élections et les commente en temps réel. Donc, ça, c'est comme vraiment le mariage parfait entre la revue et l'actualité. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est unique, par contre, comme événement. Je n'ai pas vu d'autres occurrences à Montréal, du moins. Mais c'est vraiment une tentative de rendre l'information divertissante et de rendre le théâtre informatif aussi. Donc, ce qui est très, très... ça devient pertinent. Et j'aimerais ajouter aussi que, eh bien, c'est beau d'avoir un quotidien. Ça ne veut pas dire que tous les habitants sont en mesure de le lire, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi une question d'accessibilité de l'information ici. Donc, de rendre la revue, donc oui, divertissante, mais de rendre l'information, de rendre le divertissement informatif et surtout de sources fiables. Donc, accessibilisation de cette information-là, je crois que c'est un très bon exemple, donc du moins des liens qu'il peut y avoir entre actualité et théâtre. Mais donc, je parle d'actualité, bon, locale, politique, culturelle, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. La revue va aussi parler de sujets qui touchent la période au complet, donc de 1900 à 1920, par exemple. On va beaucoup parler de tramway, on peut parler de la prohibition, qui est un sujet politique qui est en ce moment, mais qui dure sur plusieurs années. C'est un sujet qui peut réapparaître dans les années 20 assez fréquemment. Le tramway, l'électricité, le cinématographe et tout, le cinéma en général et qu'on peut dire, bon, l'apparition, l'institutionnalisation du cinéma, tout ça, c'est assez populaire, on en parle beaucoup dans les revues. Bref, les innovations technologiques sont des sujets qui vont intéresser beaucoup, beaucoup les revues. Par contre, plus le temps avance au Québec, et même chose aux États-Unis, plus le temps avance, moins la question de l'actualité va être mise de l'avant. On va de plus en plus s'intéresser à... on va de plus en plus s'intéresser à la représentation de la ville de Montréal et beaucoup moins aux événements qui sont directement liés à l'actualité, du moins chez certains revuistes comme Julien Daou. Mais la question d'actualité, c'est un peu comme ça qu'elle se déplie, rapidement, rapidement en 20 minutes. Donc, la question de l'actualité, c'était davantage de parler de ce qui touche ou de ce qui occupe le public et donc la population québécoise qui assistait aux revues. Mais à quoi ça pouvait ressembler un spectacle de revue? À quoi est-ce que le public assistait alors? Bon, pour répondre à cette question-là, je dois avoir quelques précisions. La revue d'actualité, ou du moins la revue étant de registre plus populaire, eh bien, faut quand même dire que en ce qui concerne les sources historiques qui s'intéressent à la culture populaire en général, c'est assez faible encore. Il y a encore beaucoup de trous à remplir parce que ben, ça, bon, pour quelques raisons, ça intéresse moins les historiens, autant en France qu'au Québec, qu'aux États-Unis. Vraiment. Il y a plus de recherches qui est effectuée en France et aux États-Unis, de ce que j'ai remarqué, mais au Québec, il y a beaucoup de trous encore à remplir à cette question-là et sur la période 1900-1920 en général. Bon. Par contre, il y a certaines choses qu'on sait et d'autres qui vont être plus à l'état d'hypothèse, mais je vais essayer de rester plus dans ce qu'on sait, ce qu'on est capable de dire. D'abord, comme c'était le cas à l'époque en général, les décors étaient peints. Donc, on avait des peintres qui peignaient nos décors et on jouait devant des décors stables. On n'est pas encore, quoique certains vont le faire, mais on n'est pas dans les projections. Je viens d'Aou en fait, mais c'est une autre affaire. Les décors peints vont généralement représenter dans les revues des lieux importants de la ville où la revue a lieu. Donc, si on est à Montréal, on peut voir la place d'Armes, par exemple, plus spécifiquement le monument à Maisonneuve, la gare Windsor, la gare Bonaventure, la rue Sainte-Catherine ou le quartier chinois. Ça, c'est des exemples que j'ai vus dans certaines revues, chez Julien Daou spécifiquement. On va aussi avoir souvent une représentation le moment dans les revues, ça arrive assez souvent, comme ça arrive en France, des actes qui vont se produire dans le théâtre où la revue a lieu. Ça devient assez méta, genre autoréflexivité, tout ça, mais donc on peut avoir aussi ce genre de décor. Je doute que c'était même. Il y avait un décor qui représentait le théâtre où ça avait lieu, là, mais en tout cas, ça donne une idée. L'important, c'est que les lieux qui sont représentés par le décor soient reconnus par le public. Ça revient souvent à ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a autant de lieux dans une revue? Eh bien, comme j'en ai parlé, la trame narrative était très, très, très faible et c'était très souvent la même. Donc, celle qui est souvent exploitée au Québec, c'est celle dirigée par le duo compère-commère. On a donc le compère est souvent un étranger, donc quelqu'un qui ne connaît pas la ville où la revue se trouve. Dans le cas de la Belle Montréalaise, c'est un New-Yorkais donc, qui débarque à Montréal et qui cherche à visiter. Et on a la commère qui, elle, est très souvent une représentation, l'incarnation de l'âme de la ville. Donc, c'est un personnage allégorique. Qui, elle, va guider l'étranger à travers la ville et lui montrer les lieux importants ou les événements marquants. Bref. Ce personnage allégorique, lui, est directement issu de la tradition de la revue Plus Merveilleuse, dont j'ai parlé plus tôt. Donc, elle, ça, c'est des relents qu'on a aussi au Québec de cette tradition-là. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnages-là? Eh bien, ils voyagent. Ils traversent la ville dans des lieux importants, ceux que j'ai nommés, et on y rencontre des personnages extrêmement variés. Dans la revue La Belle Montréalaise de 1914, on a une liste de personnages qui s'étend sur presque 60 personnages. Donc, on a 60 personnages pour une quinzaine d'interprètes. Ça fait quand même plusieurs rôles à remplir. Les seuls interprètes qui avaient des rôles stables, eh bien, c'était les principaux, donc le compère, la commère et certains autres, mais sinon, les autres artistes se devaient de remplir donc, tous les autres rôles et pouvaient apparaître 4 à 5 fois, tout dépendant de la distribution. Qui sont ces personnages? Ça dépend. Donc, on peut avoir des personnages aussi allégoriques que la commère. Je pense dans la Belle Montréalaise, on a un personnage qui s'appelle la Maison à louer. Donc, la maison à louer qui vient en elle-même critiquer potentiellement la difficulté d'accès au logement, donc tout à fait d'actualité encore, où on peut avoir des personnages comme l'électricité, donc ce qu'est l'électricité, une représentation visuelle, donc encore un personnage allégorique. Sinon, on va souvent avoir des types, donc on reste dans la comédie, donc on reste dans les clichés. On va avoir un policier, bon, on peut avoir aussi un. Il y a une scène très, très populaire chez Julien Daou un policier et ce que lui appelle un tramp, donc une personne sans abri, sans domicile fixe. Et il y a une belle discussion entre les deux personnages, là, justement pour sur la légalité ou l'illégalité de mendier en public. Donc, on parle d'actualité, on parle de politique, tout ça. Donc, c'est le genre de personnage qu'on peut rencontrer. Et très, très souvent, les revues à Montréal vont exploiter l'opposition culture rurale, culture urbaine, en intégrant dans les revues des personnages issus, donc, qui viennent de régions plus éloignées que des grands centres. À Montréal, on a deux personnages dans la Belle Montréalaise, qui se passe à Montréal, n'est-ce pas? On a deux personnages qui viennent de Mascouche et qui viennent visiter Montréal. Ce qui fait, ça fait que les personnages qui habitent Montréal et eux, ben, il y a des discussions qui, avec des quiproquos quand même intéressants pour, qui marquent les différences culturelles entre les régions plus éloignées et les grands centres. Donc, des personnages extrêmement variés. Voilà pour le genre d'interaction qu'on peut avoir. Et un dernier point, qu'est-ce qu'on fait? C'est beau, il y a du dialogue, certainement, mais on va avoir plusieurs types de numéros qui vont s'intégrer à ce spectacle-là. Notamment des numéros chantés. On va avoir plusieurs chansons, et ça, c'est en partie en raison de l'héritage du café-concert qui, je le rappelle, exacerbé la dimension musicale du spectacle qui existait déjà. Mais là, ça, c'est au Québec, c'est quand même assez fort. Donc, les personnages vont chanter sur des airs connus, des chansons qui vont mettre l'accent sur certains thèmes importants dans la revue. Donc, une chanson sur le tramway, une chanson sur, justement, le fait de mendier ou pas en public. Donc, un peu à la manière des comédies musicales, on va chanter pour accentuer certains aspects du spectacle. Et je l'ai déjà dit, mais sur des airs connus, que ce soit sur des chansons françaises, francophones ou anglophones, c'est pas très important. L'important, c'est que l'air soit connu, puis ça évite aussi un travail de composition. Quoi qu'il peut y avoir des compositions originales, mais la plupart du temps, c'est des reprises. Si on parle de chansons, donc il y a musique aussi, et comme on est à une époque où les salles n'ont pas de système de son et de fichiers MP3 qui vont jouer la musique, on a un orchestre en direct qui joue la musique et qui accompagne les artistes. J'imagine que d'une salle à l'autre, ça changeait un peu, donc selon ce qui était possible, la grandeur de la fosse d'orchestre, s'il y en a une. On fait avec ce qui est physiquement possible, n'est-ce pas? Mais chez Julien Daou, on retrouve des partitions musicales qui ont été composées pour des contrebasses, des violons et des violons pour la section à cordes, une section rythmique aussi avec batterie et percussion, une section de cuivre avec trombone et cornet, donc trompette, et une section de bois, flûte, clarinette. Donc, c'est quand même un orchestre, il y a une variété d'instruments assez intéressante. Et donc, pour la dimension sonore, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui jouait, qu'est-ce qu'on entendait. Donc, numéro chanté, certainement, mais aussi souvent des numéros dansés. Qui vont s'inspirer donc des danses qui sont encore une fois très populaires. Donc ça peut être le tango ou le Spanish Boston, là, du moins à la belle époque, ça c'était des danses populaires. Donc c'est des danses qui se retrouvaient dans les revues. Et beaucoup d'effets spéciaux. Ça c'est encore une fois un héritage de la dimension spectaculaire ou du moins de mise en scène qui était vraiment importante en France, mais c'est possiblement aussi une influence de l'importance scénique spectaculaire qu'on voit dans les revues de Ziegfeld et des frères Schubert. Parce qu'aux États-Unis, les revues sont très, très, très dans l'intensité visuelle, les gros costumes, les gros effets spéciaux, on est vraiment là-dedans. Et évidemment, des numéros de danse avec 150, 200 danseurs. Je veux dire, à Montréal, on est loin, loin, loin du 150, 200 danseurs. Mais donc, importance du spectacle, du visuel. Des possibilités de la scène. Donc, on va avoir chez Julien Daou encore, pour reprendre mon fameux exemple, des numéros qui vont exploiter beaucoup l'éclairage électrique, Donc, on va envoyer plusieurs spotlights sur un même interprète pour bon, représenter l'électricité, par exemple. Plusieurs spotlights de plusieurs couleurs. Donc, on joue beaucoup avec ça. Et on a même des exemples de pyrotechnie aussi pour représenter des incendies. Donc, avec des feux de Bengale, c'est ce qui est nommé, du moins, feux de Bengale. Mais ça peut être de toutes plein de manières. Encore une fois, des numéros qui vont taper. Qui vont taper l'œil, qui vont vraiment attirer l'œil du public, certainement, parce que c'est visuellement impressionnant. Ça, c'est pour ce qu'on est capable de dire. Et que je m'en tiendrai à ça. Ça donne quand même une idée de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut retrouver dans une revue. Voilà. Tout à fait. Mais bon, tu dis c'était très, très, très populaire auprès du public, mais qu'est-ce qu'il en est de la réception critique de ces Oui. performances-là? Ben, d'abord, pourquoi est-ce qu'on sait que c'est populaire? Rares sont les membres du public qui écrivaient dans le journal une critique pour dire qu'on adorait ça. Comment on le sait? Eh bien, c'est parce qu'on est dans un contexte à Montréal dans lequel chaque semaine, on change de spectacle à l'affiche. Donc, quand on a une revue qui tient 2 ou 3 semaines, ben, ça nous donne une idée sur l'intérêt du public. Ça veut dire que généralement, on voit qu'il y a de l'argent à faire. Donc, on reste une semaine de plus et potentiellement, on fait encore plus d'argent. C'est un peu ça l'idée. Donc, comme il y a beaucoup de revues qui tiennent plus qu'une semaine, on se doute donc que ça attirait des masses. Par contre, la critique, c'est un peu plus difficile d'avoir une idée claire là-dessus. D'abord parce que, comme les théâtres avaient des ententes publicitaires avec certains journaux, eh bien, lorsque le journal publiait une critique du spectacle en question ou du spectacle qui était à l'affiche telle semaine, eh bien, ils sont toujours très, très, très, très, très, très positifs par rapport au spectacle. On dirait que c'est toujours la meilleure chose qu'ils ont vue. Donc, on est loin d'avoir. Ça fait une critique assez molle, je vais vous dire. Alors, c'est toujours exceptionnel. Donc, difficile de savoir qu'est-ce que la critique pensait spécifiquement, du moins dans les journaux, d'autant plus que les critiques étaient anonymes, puis que souvent on retrouve les mêmes critiques dans différents journaux. Donc, on peut même se poser la question si il y a vraiment quelqu'un qui les. Si c'est toujours si c'est pas une même personne qui les écrit et qui les envoie, bref. Donc, le contexte critique dans les journaux, du moins, est particulier. Mais j'ai quand même deux noms en tête pour qui ont parlé de la revue, deux critiques desquelles on parle encore, en commençant par Ernest Tremblay, donc l'auteur de la revue, la revue à succès AOU1, dont je parlais plus tôt, qui a lieu au Théâtre national. Donc Ernest Tremblay, lui, est un critique, c'est un artiste aussi important qui, selon lui, qui parle beaucoup de ce que lui appelle le retard culturel du Canada français. Selon Ernest Tremblay, c'est important de développer à Montréal le théâtre que lui appelle de comédie, la grande comédie. Okay. Selon lui, c'est ce genre de théâtre, en mettant l'accent sur la culture de masse notamment, c'est comme ça qu'on va réussir à atteindre une modernité. Lui, il s'inspire, en disant ça, il pense beaucoup à la façon dont le New York produit son théâtre, parce que selon lui, eux, ils savent comment attirer les masses. Donc, c'est comme ça qu'on devrait s'intéresser à ça. La revue, pour lui, ça a ça de bon, comme la chanson réaliste est très populaire en France à l'époque aussi. Donc, la revue a ça de bon, elle attire les foules, elle intéresse les gens et elle permet de passer des messages. Donc, selon lui, la revue, c'est quelque chose qu'on doit développer et ils vont un peu prêcher par l'exemple aussi en produisant 2 revues au Théâtre national, Ohé, Ohé, Françoise et AOU20, qui sont 2 très grands succès de la revue, et on peut difficilement passer à côté. Mais on a aussi un autre côté de la critique. Je pense à Jean Béraud, donc, qui est un critique et journaliste bien connu, qui est aussi l'auteur d'un texte très important pour l'histoire du théâtre au Canada français, qui s'appelle 350 ans de théâtre au Canada français. Et dans ce texte-là, il va beaucoup parler du théâtre de répertoire, parce que c'est ce que lui l'intéresse, puis c'est ce qu'il croit, je crois, c'est ce qui donne l'impression, du moins, qu'il croit que le théâtre de répertoire, surtout français, est ce qui est important et est ce qui est à mentionner, ce qui est pertinent à mentionner. Mais malgré ça, il va un peu face au succès de la revue, il n'a comme pas le choix de le mentionner, on dirait. C'est un peu par dépit même. On a l'impression qu'il le mentionne, mais il le mentionne dans son livre, dans ces termes-là. Il est un genre, pourtant, dans lequel nos auteurs excellent, sinon pour la qualité du texte, l'originalité des gags ou la finesse de l'esprit, du moins pour la facilité avec laquelle ils attirent le public et le font rire. C'est la revue. Chaque année, les revuistes deviennent la providence de scènes défaillantes et leur répertoire comporterait une bonne centaine de titres. Il n'y a là aucun souci de corriger par le rire, mais plutôt l'exploitation à outrance d'un vocabulaire argotique dont la saveur est souvent douteuse. Donc, malgré le mépris avec lequel il parle du genre, il nomme quelque chose d'extrêmement important et c'est la façon dont les revuistes sont en mesure d'attirer le public avec ça. Donc, c'est extrêmement populaire, ça attire le monde et il parle même donc des revuistes comme les providences des scènes défaillantes. Ça aussi, c'est quand même un mot-clé dans la mesure où, oui, on a une saison, mais plusieurs revuistes n'auraient donc pas le choix d'intégrer des revues parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent avec ces spectacles-là et qu'ils vont être capables de poursuivre leur saison. Ils vont faire assez d'argent pour l'allonger, potentiellement arriver à produire une autre saison. Même. Donc, ça devient comme... plusieurs théâtres vont survivre en partie avec ces succès-là, ce qui en dit long donc, sur l'importance de la revue dans le paysage de l'époque. Et bon, là, tu parles à cette époque-là, mais qu'est-ce qui peut nous rester encore aujourd'hui? Tu mentionnes que c'est un genre extrêmement populaire. Est-ce que ça le fait des petits? Oui, certainement, ça a fait des petits dans la mesure où, comme la revue étant déjà proche des formes de variété dans ses... Selon l'endroit où il est développé, ça peut être plus ou moins proche de théâtre de variété. Aux États-Unis, notamment, la revue va ressembler beaucoup et va faire affaire avec beaucoup d'artistes de variété. Donc, plus ça va, moins la trame narrative du compère de la commère existe et plus on fait juste envoyer une série de numéros variés. Donc, ce contexte-là, eh bien, l'idée de la variété, on la retrouve fortement dans le burlesque. Le spectacle est composé de plein de numéros, certains qui ont une trame narrative, mais ce numéro-là est indépendant des autres. Et les revues, on va même en retrouver chez Rose Ouellette aussi. Donc, elle va, oui, faire du burlesque, mais elle va avoir des revues fortement influencées du burlesque. Donc, beaucoup plus dans le style américain, j'ai envie de dire, dans le style de Broadway. Donc, certainement, Rose Ouellette et donc Tizoun ont été influencés en partie par les revues de la Belle Époque et des années 20. Mais si on va un peu plus loin, on peut aller jusqu'à Fridolin, donc Cassien Gélina avec ses Fridolinades, ce spectacle annuel qui était même revendiqué comme une revue. Donc ça, c'était aussi un spectacle très populaire, nécessairement héritier de la tradition de la revue au Canada français. Et on peut même aller encore plus loin avec les bye-bye, qui est une tradition encore très, très forte. Cette fois-ci, on n'est plus dans une culture théâtrale, mais je veux dire, on exploite exactement les mêmes ressorts comiques, la parodie, la satire, autant la parodie, la satire politique que la parodie culturelle. Je veux dire, le nombre de téléromans qui sont parodiés et de séries télévisées populaires qui sont parodiées dans les bye-bye à chaque année. Je veux dire, on n'est pas loin de la parodie de grands classiques de théâtre et de succès théâtraux d'une saison, n'est-ce pas? Donc, des artistes aussi qui ont réalisé des bye-bye, mais qui avaient une carrière avant ça, Rock et Belles Oreilles. Donc, je veux dire, ça allait presque de soi en 2006-2007, que ce soit Rock et Belles Oreilles, ça répondait à un public aussi, ça rejoignait un public particulier. Mais dans les années 80-90, ce groupe d'humour-là, avec leur satire, encore une fois, culturelle et politique, on est directement héritier de ça, de la même façon que Marc Labrèche pourrait l'être avec ses émissions d'actualité, ou À la semaine prochaine, ou je veux dire... J'ai envie de répondre aussi, la journée est encore jeune, pourquoi pas. Je parle de... C'est tous des exemples ou presque de revues d'actualité souvent. Donc, certainement, le lien est là. Mais encore plus largement, j'ai envie de dire que ça a une influence. La revue d'actualité ou le style de revue d'actualité est tellement important dans le paysage comique au Québec que, je veux dire, on ne peut pas non plus oublier l'influence de ce genre-là sur la comédie en général. Parce que oui, on parle d'actualité, mais je veux dire, c'est souvent les mêmes acteurs de la revue d'actualité qui vont aussi être dans le milieu comique. Bon, les frontières sont loin d'être étanches. Donc, oui, l'héritage de la revue d'actualité au Québec, mais plus largement sur le comique en général, comme on le dit aujourd'hui, Jean. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir partagé ton temps et puis tes connaissances avec nous aujourd'hui. Merci à vous Ben, deux. merci. Ce balado s'inscrit dans une série qui a pour objet les 125 ans du Théâtre national. Il a été produit dans le cadre d'un partenariat entre le CRILC et Rappel, la mémoire du théâtre au Québec. Il a été réalisé par Ève-Catherine Champoux et Rémi Besson. Le montage a été effectué par Alex Delagrave. Nous tenons à remercier ceux qui ont financé ce projet, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Programme de soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ce balado a été enregistré dans un studio de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal durant l'hiver 2025.